Ah, Eva, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. On va au restaurant? C'est plutôt sushi ou chinois? Bah moi, perso, je préfère les pâtes. Et sinon, tu me fais un poutou. Ok, écarte les jambes. À ce rencard comme convenu, encore plus belle j'avoue qu'au dernier rendez-vous. Je pourrais mourir heureux rien qu'en regardant tes yeux, mais je dois aujourd'hui t'avouer chérie, mon unique envie. Passer cette nuit rien qu'avec toi, dormir cette nuit entre tes draps. On s'embrassera et on s'endormira dans l'amour, dans la joie, toi et moi. Merci beaucoup pour cet instant. J'aime ton appartement, il me rappelle toujours mon premier amour. Je ne suis pas le genre de fille qui couche avec n'importe qui, mais pour le plaisir et contre un sourire, je cède à ton désir. Cette nuit, rien qu'avec toi. Dormir cette nuit entre tes draps. On s'embrassera et on s'endormira dans l'amour, dans la joie, toi et moi. Anthony.